Section 46. Troisième partie, livre 14e. Suite. Journée civile du 28 juillet. Durant qu'on livrait ces combats, la révolution civile et politique suivait parallèlement la révolution militaire. Les soldats détenus à l'abbaye furent mis en liberté. Les prisonniers pour dette à Saint-Pélagie s'échappèrent et les condamnés pour faute politique furent élargis. Une révolution est un jubilé, elle absout de tous les crimes en en permettant de plus grands. Les ministres tinrent conseil à l'état-major, ils résolurent de faire arrêter comme chef du mouvement messieurs Lafitte, Lafayette, Gérard, Marchais, Salverte et Audry de Puyraveau. Le maréchal en donna l'ordre, mais quand plus tard ils furent députés vers lui, il ne crut pas de son honneur de mettre son ordre à exécution. Une réunion du parti monarchique, composée de pairs et de députés, avait eu lieu chez M. Guizot. Le duc de Breuil s'y trouva. M. Thiers et Mignet, qui avaient reparu, et M. Carrel, quoique ayant d'autres idées, s'y rendirent. Ce fut là que le parti de l'usurpation prononça le nom du duc d'Orléans pour la première fois. M. Thiers et M. Mignet allèrent chez le général Sébastiani lui parler du prince. Le général répondit d'une manière évasive. Le duc d'Orléans, assura-t-il, ne l'avait jamais entretenu de pareils desseins et ne l'avait autorisé à rien. Vers midi, toujours dans la journée du 28, la réunion générale des députés eut lieu chez M. Audry de Puyraveau. M. de Lafayette, chef du parti républicain, avait rejoint Paris le 27. M. Lafitte, chef du parti orléaniste, n'arriva que dans la nuit du 27 au 28. Il se rendit au Palais-Royal, où il ne trouva personne. Il envoya à Neuilly, le roi en herbe n'y était pas. Chez M. de Puyraveau, on discuta le projet d'une protestation contre les ordonnances. Cette protestation, plus que modérée, laissait entière les grandes questions. M. Casimir Perrier fut d'avis de dépêcher vers le duc de Raguse. Tandis que les cinq députés choisis se préparaient à partir, M. Arago était chez le maréchal. Il s'était décidé sur un billet de Mme de Boigne à devancer les commissaires. Il représenta au maréchal la nécessité de mettre un terme au malheur de la capitale. M. de Raguse alla prendre langue chez M. de Polignac. Celui-ci, instruit de l'hésitation des troupes, déclara que si elle passait au peuple, on tirerait sur elle comme sur les insurgés. Le général de Tromelin, témoin de ces conversations, s'emporta contre le général d'Ambrujac. Alors arriva la députation. M. Lafitte porta la parole. « Nous venons, dit-il, vous demander d'arrêter l'effusion du sang. Si le combat se prolongeait, il entraînerait non seulement les plus cruelles calamités, mais une véritable révolution. » Le maréchal se renferma dans une question d'honneur militaire, prétendant que le peuple devait le premier cesser le combat. Il ajouta néanmoins ce post-scriptum à une lettre qu'il écrivit au roi. « Je pense qu'il est urgent que votre majesté profite sans retard des ouvertures qui lui sont faites. » L'aide de camp du duc de Raguse, le colonel Komirovski, introduit dans le cabinet du roi à Saint-Cloud, lui remit la lettre. Le roi lui dit « Je lirai cette lettre ». Le colonel se retira et attendit les ordres. Voyant qu'il n'arrivait pas, il pria M. le duc de Duras d'aller chez le roi les demander. Le duc répondit que d'après l'étiquette, il lui était impossible d'entrer dans le cabinet. Enfin rappelé par le roi, M. Komirovski fut chargé d'enjoindre au maréchal de « tenir bon ». Le général Vincent accourut de son côté à Saint-Cloud. Ayant forcé la porte qu'on lui refusait, il dit au roi que tout était perdu. « Mon cher, répondit Charles X, vous êtes un bon général, mais vous n'entendez rien à cela. » Journée militaire du 29 juillet. Le 29 vit paraître de nouveaux combattants. Les élèves de l'école polytechnique en correspondance avec un de leurs anciens camarades, M. Charras, forcèrent la consigne et envoyèrent quatre d'entre eux, Messieurs Lauton, Berthelin, Pinsonnière et Tourneux offrirent leur service à Messieurs Lafitte, Perrier et Lafayette. Ces jeunes gens, distingués par leurs études, s'étaient déjà fait connaître aux alliés lorsque ceux-ci se présentèrent devant Paris en 1814. Dans les trois jours, ils devinrent les chefs du peuple, qui les mit à sa tête avec une parfaite simplicité. Les uns se rendirent sur la place de l'Odéon, les autres au Palais-Royal et aux Tuileries. L'ordre du jour, publié le 29 au matin, offensa la garde. Il annonçait que le roi, voulant témoigner sa satisfaction à ses braves serviteurs, leur accordait un mois et demi de paye, inconvenance que le soldat français ressentit. c'était le mesurer à la taille de ces Anglais qui ne marchent pas ou s'insurgent s'ils n'ont pas touché leur solde. Dans la nuit du 28 au 29, le peuple dépava les rues de 20 pas en 20 pas et le lendemain, au lever du jour, il y avait 4000 barricades élevées dans Paris. Le palais Bourbon était gardé par la ligne, le Louvre par deux bataillons suisses, la rue de la Paix, la place Vendôme et la rue Castiglione par le 5e et le 53e de ligne. Il était arrivé de Saint-Denis, de Versailles et de Rueil à peu près 1200 hommes d'infanterie. La position militaire était meilleure. Les troupes se trouvaient plus concentrées et il fallait traverser de grands espaces vides pour arriver jusqu'à elles. Le général Exelmans, qui jugea bien ses dispositions, vint à 11 heures mettre sa valeur et son expérience à la disposition du maréchal de Raguse, tandis que de son côté le général Pajol se présentait aux députés pour prendre le commandement de la garde nationale. Les ministres eurent l'idée de convoquer la cour royale aux Tuileries tant ils vivaient hors du moment où ils se trouvaient. Le maréchal pressait le président du conseil de rappeler les ordonnances. Pendant leur entretien, on demande monsieur de Polignac. Il sort et rentre avec monsieur Berthier, fils de la première victime sacrifiée en 1789. Celui-ci, ayant parcouru Paris, affirmait que tout allait au mieux pour la cause royale. C'est une chose fatale que ces races qui ont droit à la vengeance, jetées à la tombe dans nos premiers troubles et évoquées par nos derniers malheurs. Ces malheurs n'étaient plus des nouveautés. Depuis 1793, Paris était accoutumé à voir passer les événements et les rois. Tandis que, au rapport des royalistes, tout allait si bien, on annonce la défection du 5e et du 53e de ligne qui fraternisaient avec le peuple. Le duc de Raguse fit proposer une suspension d'armes. Elle eut lieu sur quelques points et ne fut pas exécutée sur d'autres. Le maréchal avait envoyé chercher un des deux bataillons suisses stationnés dans le Louvre. On lui dépêcha celui des deux bataillons qui garnissaient la colonnade. Les Parisiens, voyant cette colonnade déserte, se rapprochèrent des murs et entrèrent par les fausses portes qui conduisent du jardin de l'Infante dans l'intérieur. Ils gagnèrent les croisées et firent feu sur le bataillon arrêté dans la cour. Sous la terreur du souvenir du 10 août, les Suisses se ruèrent du palais et se jetèrent dans leur 3e bataillon, placé en présence des postes parisiens, mais avec lequel la suspension d'armes était observée. Le peuple, qui du Louvre avait atteint la galerie du musée, commença de tirer du milieu des chefs-d'œuvre sur les lanciers alignés au carrousel. Les postes parisiens, entraînés par cet exemple, rompirent la suspension d'armes. Précipités sous l'arc de triomphe, les Suisses poussent les lanciers au portique du pavillon de l'horloge et débouche pêle-mêle dans le jardin des Tuileries. Le jeune Farcy fut frappé à mort dans cette échauffourée. Son nom est inscrit au coin du café où il est tombé. Une manufacture de betteraves existe aujourd'hui aux Thermopyles. Les Suisses eurent 3 ou 4 soldats tués ou blessés. Ce peu de morts s'est changé en une effroyable boucherie. Le peuple entra dans les Tuileries avec messieurs Thomas, Bastide, Guinard par le guichet du Pont-Royal. Un drapeau tricolore fut planté sur le pavillon de l'horloge, comme au temps de Bonaparte, apparemment en mémoire de la liberté. Des meubles furent déchirés, des tableaux hachés de coups de sabre. On trouva dans des armoires le journal des chasses du roi et les beaux coups exécutés contre les perdrix, vieil usage des gardes-chasses de la monarchie. On plaça un cadavre sur le trône vide, dans la salle du trône. Cela serait formidable si les Français, aujourd'hui, ne jouaient continuellement au drame. Le musée d'artillerie à Saint-Thomas-d'Aquin était pillé et les siècles passaient le long du fleuve sous le casque de Godefroy de Bouillon et avec la lance de François Ier. Alors le duc de Raguse quitta le quartier général, abandonna 120 000 francs en sac. Il sortit par la rue de Rivoli et rentra dans le jardin des Tuileries. Il donna l'ordre aux troupes de se retirer, d'abord aux Champs-Élysées et ensuite jusqu'à l'Étoile. On crut que la paix était faite, que le dauphin arrivait. On vit quelques voitures, des écuries et un fourgon traverser la place Louis XV. C'étaient les ministres s'en allant après leurs œuvres. Arrivé à l'Étoile, Marmont reçut une lettre. Elle lui annonçait que le roi avait donné à monsieur le dauphin le commandement en chef des troupes et que lui, maréchal, servirait sous ses ordres. Une compagnie du 3e de la garde avait été oubliée dans la maison d'un chapelier rue de Rohan. Après une longue résistance, la maison fut emportée. le capitaine Meunier, atteint de 3 coups de feu, sauta de la fenêtre d'un 3e étage, tomba sur un toit, au-dessous, et fut transporté à l'hôpital du Gros Caillou. Il a survécu. La caserne Babylone, assaillie entre 12h30 et 1h par 3 élèves de l'école polytechnique, Vanneau, Lacroix et Ouvrier, n'était gardée que par un dépôt de recrues suisses d'environ 100 d'hommes. Le major Dufay, français d'origine, les commandait. Depuis 30 ans, il servait parmi nous. Il avait été acteur dans les hauts faits de la République et de l'Empire. Sommé de se rendre, il refusa toute condition et s'enferma dans la caserne. Le jeune Vanneau périt. Les sapeurs-pompiers mirent le feu à la porte de la caserne. La porte s'écroula. Aussitôt, par cette bouche enflammée, sort le major Dufay, suivi de ses montagnards, baïonnette en avant. Il tombe, atteint de la mousquetade d'un cabaretier voisin. Sa mort protégea ses recrues suisses. Ils rejoignirent les différents corps auxquels ils appartenaient. Journée civile du 29 juillet. Monsieur le duc de Mortemart était arrivé à Saint-Cloud le mercredi 28 à 10h du soir pour prendre son service comme capitaine des 100 Suisses. Il ne put parler au roi que le lendemain. À 11h, le 29, il fit quelques tentatives auprès de Charles X afin de l'engager à rappeler les ordonnances. Le roi lui dit « Je ne veux pas monter en charrette comme mon frère. Je ne reculerai pas d'un pied. » Quelques minutes après, il allait reculer d'un royaume. Les ministres étaient arrivés, messieurs de Sémonville, d'Argout, Vitrolles se trouvaient là. Monsieur de Sémonville raconte qu'il eut une longue conversation avec le roi, qu'il ne parvint à l'ébranler dans sa résolution qu'après avoir passé par son cœur en lui parlant des dangers de madame la dauphine. Il lui dit « Demain à midi, il n'y aura plus ni roi, ni dauphin, ni duc de Bordeaux. » Et le roi lui répondit « Vous me donnerez bien jusqu'à 1 heure. » Je ne crois pas un mot de tout cela. La hâblerie est notre défaut. Interrogez un Français, et fiez-vous à ses récits, il aura toujours tout fait. Les ministres entrèrent chez le roi, après monsieur de Sémonville. Les ordonnances furent rapportées. Le ministère dissous, monsieur de Mortemart nommé président du nouveau conseil. Dans la capitale, le parti républicain venait enfin de déterrer un gîte. Monsieur Baude, l'homme de la parade des bureaux du Temps, en courant les rues, n'avait trouvé l'hôtel de ville occupé que par 2 hommes, M. Dubourg et M. Zimmer. Il se dit aussitôt l'envoyé d'un gouvernement provisoire qui s'allait venir installer. Il fit appeler les employés de la préfecture. Il leur ordonna de se mettre au travail comme si M. de Chabrol était présent. Dans les gouvernements devenus machines, les poids sont bientôt remontés. Chacun accourt pour se nantir des places délaissées. Qui se fit secrétaire général? Qui, chef de division, qui se donna la comptabilité, qui se nomma au personnel et distribua ce personnel entre ses amis. Il y en eut qui firent apporter leur lit, afin de ne pas désemparer, et d'être à même de sauter sur la place qui viendrait à vaquer. M. Dubourg, surnommé le général, et M. Zimmer, étaient censés les chefs de la partie militaire du gouvernement provisoire. M. Baude, représentant le civil de ce gouvernement inconnu, prit des arrêtés et fit des proclamations. Cependant, on avait vu des affiches provenant du parti républicain et portant création d'un autre gouvernement composé de messieurs de Lafayette, Gérard et Choiseul. On ne s'explique guère l'association du dernier nom avec les 2 autres. Aussi, M. de Choiseul a-t-il protesté. Ce vieillard libéral qui, pour faire le vivant, se tenait roide comme un mort, émigré et naufragé à Calais, ne retrouva pour foyer paternel en rentrant en France qu'une loge à l'opéra. À 3 heures du soir, nouvelle confusion. Un ordre du jour convoqua les députés réunis à Paris à l'hôtel de ville pour y conférer sur les mesures à prendre. Les maires devaient être rendus à leur mairie. Ils devaient aussi envoyer un de leurs adjoints à l'hôtel de ville afin d'y composer une commission consultative. Cet ordre du jour était signé J. Baude, pour le gouvernement provisoire, et colonel Zimmer, par ordre du général Dubourg. Cette audace de 3 personnes, qui parlent au nom d'un gouvernement qui n'existait qu'affiché par lui-même, au coin des rues, prouve la rare intelligence des Français en révolution. De pareils hommes sont évidemment les chefs destinés à mener les autres peuples. Quel malheur qu'en nous délivrant d'une pareille anarchie, Bonaparte nous eût ravi la liberté. les députés s'étaient rassemblés chez M. Laffitte. M. de Lafayette, reprenant 1789, déclara qu'il reprenait aussi le commandement de la garde nationale. On applaudit et il se rendit à l'hôtel de ville. Les députés nommèrent une commission municipale composée de 5 membres, messieurs Casimir Perrier, Laffitte, de Lobo, de Chonen et Audry de Puyraveau. M. Odilon Barrault fut élu secrétaire de cette commission qui s'installa à l'hôtel de ville, comme avait fait M. de Lafayette. Tout cela siégea pêle-mêle auprès du gouvernement provisoire de M. Dubourg. M. Mauguin, envoyé en mission vers la commission, resta avec elle. L'ami de Washington fit enlever le drapeau noir arboré sur l'hôtel de ville par l'invention de M. Dubourg. À 8h30 du soir, débarquèrent de Saint-Cloud M. de Sémonville, M. d'Argout et M. de Vitrolles. Aussitôt qu'ils avaient appris à Saint-Cloud le rappel des ordonnances, le renvoi des anciens ministres et la nomination de M. Mortemart à la présidence du Conseil, ils étaient accourus à Paris. Ils se présentèrent en qualité de mandataires du roi devant la commission municipale. M. Mauguin demanda au grand référendaire s'il avait des pouvoirs écrits. Le grand référendaire répondit qu'il n'y avait pas pensé. La négociation des officieux commissaires finit là. Instruit à la réunion Laffitte de ce qui s'était fait à Saint-Cloud, M. Laffitte signa un laissez-passer pour M. de Mortemart, ajoutant que les députés assemblés chez lui l'attendraient jusqu'à 1h du matin. Le noble duc n'étant pas arrivé, les députés se retirèrent. M. Laffitte, resté seul avec M. Thiers, s'occupa du duc d'Orléans et des proclamations à faire. 50 ans de révolution en France avaient donné aux hommes de pratique la facilité de réorganiser des gouvernements et aux hommes de théorie l'habitude de ressemeler des chartes, de préparer les machines et les bers avec lesquels s'enlèvent et sur lesquels glissent ces gouvernements. Cette journée du 29, lendemain de mon retour à Paris, ne fut pas pour moi sans occupation. Mon plan était arrêté. Je voulais agir, mais je ne le voulais que sur un ordre écrit de la main du roi, et qui me donna les pouvoirs nécessaires pour parler aux autorités du moment. Me mêler de tout et ne rien faire ne me convenait pas. J'avais raisonné juste, témoin l'affront essuyé par messieurs d'Argout, Sémonville et Vitrolles. J'écrivis donc à Charles X à Saint-Cloud. Monsieur de Givray se chargea de porter ma lettre. Je priai le roi de m'instruire de sa volonté. Monsieur de Givray revint les mains vides. Il avait remis ma lettre à M. le duc de Duras, qu'il avait remise au roi, lequel me faisait répondre qu'il avait nommé M. de Mortemart son premier ministre, et qu'il m'invitait à m'entendre avec lui. Le noble duc, où le trouver? Je le cherchai vainement le 29 au soir. Repoussée de Charles X, ma pensée se porta vers la Chambre des Pairs. Elle pouvait, en qualité de cour souveraine, évoquer le procès et juger le différend. S'il n'y avait pas sûreté pour elle dans Paris, elle était libre de se transporter à quelque distance, même auprès du roi, et de prononcer de là un grand arbitrage. Elle avait des chances de succès. Il y en a toujours dans le courage. Après tout, en succombant, elle aurait subi une défaite utile au principe. Mais aurais-je trouvé dans cette chambre 20 hommes prêts à se dévouer? Sur ces 20 hommes, y en avait-il 4 qui fussent d'accord avec moi sur les libertés publiques? Les assemblées aristocratiques règnent glorieusement lorsqu'elles sont souveraines et seules investies de droit et de fait de la puissance. Elles offrent les plus fortes garanties, mais dans les gouvernements mixtes, elles perdent leur valeur et sont misérables quand arrivent les grandes crises. Faibles contre le roi, elles n'empêchent pas le despotisme. Faibles contre le peuple, elles ne préviennent pas l'anarchie. Dans les commotions publiques, elles ne rachètent leur existence qu'au prix de leur parjure ou de leur esclavage. La Chambre dès lors sauva-t-elle Charles Ier? Sauva-t-elle Richard Cromwell, auquel elle avait prêté serment? Sauva-t-elle Jacques II? Sauvera-t-elle aujourd'hui les princes de Hanovre? Se sauvera-t-elle elle-même? Ces prétendus contrepoids aristocratiques ne font qu'embarrasser la balance et seront jetés tôt ou tard hors du bassin. Une aristocratie ancienne et opulente, ayant l'habitude des affaires, n'a qu'un moyen de garder le pouvoir quand il lui échappe. C'est de passer du Capitole au Forum et de se placer à la tête du nouveau mouvement, à moins qu'elle ne se croie encore assez forte pour risquer la guerre civile. Pendant que j'attendais le retour de M. de Givray, je fus assez occupé à défendre mon quartier. La banlieue et les carriers de Montrouge affluaient par la barrière d'enfer. Les dernières ressemblaient à ces carriers de Montmartre qui causèrent de si grandes alarmes à Mademoiselle de Mornay lorsqu'elle fuyait les massacres de la Saint-Barthélemy. En passant devant la communauté des missionnaires située dans ma rue, ils y entrèrent. Une vingtaine de prêtres furent obligés de se sauver. Le repère de ces fanatiques fut philosophiquement pillé, leurs lises et leurs livres brûlés dans la rue. On n'a point parlé de cette misère. Avait-on à s'embarrasser de ce que la prêtraille pouvait avoir perdu? Je donnai l'hospitalité à 7 ou 8 fugitifs. Ils restèrent plusieurs jours cachés sous mon toit. Je leur obtins des passeports par l'intermédiaire de mon voisin, M. Arago, et ils allèrent ailleurs prêcher la parole de Dieu. La fuite des saints a souvent été utile au peuple. Utilis populis fuga sanctorum. La commission municipale établie à l'hôtel de ville nomma le baron Louis commissaire provisoire aux finances, M. Baude à l'intérieur, M. Mériloux à la justice, M. Chardel au poste, M. Marchal au télégraphe, M. Bavou à la police, M. Delaborde à la préfecture de la Seine. Ainsi le gouvernement provisoire volontaire se trouva détruit en réalité par la promotion de M. Baude, qui s'était créé membre de ce gouvernement. Les boutiques se rouvrirent, les services publics reprirent leur cours. Dans la réunion chez M. Lafitte, il avait été décidé que les députés s'assembleraient à midi au palais de la Chambre. Ils s'y trouvèrent réunis au nombre de 30 ou 35, présidés par M. Lafitte. M. Bérard annonça qu'il avait rencontré messieurs Dargout, de Forbin-Janson et de Mortemart, qui se rendaient chez M. Lafitte, croyant y trouver les députés, qu'il avait invité ces messieurs à le suivre à la Chambre. Mais M. le duc de Mortemart, accablé de fatigue, s'était retiré pour aller voir M. de Sémonville. M. de Mortemart, selon M. Bérard, avait dit qu'il avait un blanc-seing et que le roi consentait à tout. En effet, M. de Mortemart apportait 5 ordonnances. Au lieu de les communiquer d'abord aux députés, sa lassitude l'obligea de rétrograder jusqu'au Luxembourg. À midi, il envoya les ordonnances à M. Sauveau. Celui-ci répondit qu'il ne les pouvait publier dans le Moniteur sans l'autorisation de la Chambre des députés ou de la Commission municipale. M. Bérard s'étant expliqué, comme je viens de le dire, à la Chambre, une discussion s'éleva pour savoir si l'on recevrait ou si l'on ne recevrait pas M. de Mortemart. Le général Sebastiani insista pour l'affirmative. M. Mauguin déclara que si M. de Mortemart était présent, il demanderait qu'il fût entendu, mais que les événements pressaient et que l'on ne pouvait pas dépendre du bon plaisir de M. de Mortemart. On nomma 5 commissaires chargés d'aller conférer avec les pairs. Ces 5 commissaires furent messieurs Augustin Perrier, Sebastiani, Guizot, Benjamin Delser et Hyde de Neuville. Mais bientôt le comte de Sucy fut introduit dans la chambre élective. M. de Mortemart l'avait chargé de présenter les ordonnances aux députés. S'adressant à l'assemblée, il lui dit, en l'absence de M. le chancelier, quelques pairs, en petit nombre, étaient réunis chez moi. M. le duc de Mortemart nous a remis la lettre ci-jointe, adressée à M. le général Gérard ou à M. Casimir Perrier. Je vous demande la permission de vous la communiquer. Voici la lettre. « Monsieur, parti de Saint-Cloud dans la nuit, je cherche vainement à vous rencontrer. Veuillez me dire où je pourrai vous voir. Je vous prie de donner connaissance des ordonnances dont je suis porteur depuis hier. » Monsieur le duc de Mortemart était parti, dans la nuit, de Saint-Cloud. Il avait les ordonnances dans sa poche depuis 12 ou 15 heures, depuis hier, selon son expression. Il n'avait pu rencontrer ni le général Gérard, ni M. Casimir Perrier. M. de Mortemart était bien malheureux. M. Bérard fit l'observation suivante sur la lettre communiquée. « Je ne puis, dit-il, m'empêcher de signaler ici un manque de franchise. M. de Mortemart, qui se rendait ce matin chez M. Lafitte, lorsque je l'ai rencontré, m'a formellement dit qu'il viendrait ici. » Les 5 ordonnances furent lues. La première rappelait les ordonnances du 25 juillet. La seconde convoquait les chambres pour le 3 août. La troisième nommait M. de Mortemart, ministre des Affaires étrangères et président du Conseil. La quatrième appelait le général Gérard au ministère de la Guerre. La cinquième, M. Casimir Perrier au ministère des Finances. Lorsque je trouvai enfin M. de Mortemart chez le grand référendaire, il m'assura qu'il avait été obligé de rester chez M. de Sémonville parce qu'étant revenu à pied de Saint-Cloud, il s'était vu forcé de faire un détour et de pénétrer dans le bois de Boulogne, par une brèche. Sa botte ou son soulier lui avait écorché le talon. Il est à regretter qu'avant de produire les actes du trône, M. de Mortemart n'ait pas essayé de voir les hommes influents et de les incliner à la cause royale. Ces actes tombant tout à coup au milieu de députés non prévenus, personne n'osa se déclarer. On s'attira cette terrible réponse de Benjamin Constant. « Nous savons d'avance ce que la Chambre des Pairs nous dira. Elle acceptera purement et simplement la révocation des ordonnances. Quant à moi, je ne me prononce pas positivement sur la question de dynastie. Je dirai seulement qu'il serait trop commode pour un roi de faire mitrailler son peuple et d'en être quitte pour dire ensuite « Il n'y a rien de fait ». Benjamin Constant, qui ne se prononçait pas positivement sur la question de dynastie, aurait-il terminé sa phrase de la même manière si on lui eût fait entendre auparavant des paroles convenables à ses talents et à sa juste ambition? Je plains sincèrement un homme de courage et d'honneur comme M. de Mortemart quand je viens à penser que la monarchie légitime a peut-être été renversée parce que le ministre chargé des pouvoirs du roi n'a pu rencontrer dans Paris deux députés et que, fatigué d'avoir fait 3 lieues à pied, il s'est écorché le talon. L'ordonnance de nomination à l'ambassade de Saint-Pétersbourg a remplacé pour M. de Mortemart les ordonnances de son vieux maître. Ah ! Comment ai-je refusé à Louis-Philippe d'être son ministre des Affaires étrangères ou de reprendre ma bien-aimée ambassade de Rome ? Mais, hélas, de ma bien-aimée, qu'en eussé-je fait au bord du Tibre ? J'aurais toujours cru qu'elle me regardait en rougissant. Le 30 au matin, ayant reçu le billet du grand référendaire qui m'invitait à la réunion des pairs au Luxembourg, je voulus apprendre auparavant quelques nouvelles. Je descendis par la rue d'Enfer, la place Saint-Michel et la rue Dauphine. Il y avait encore un peu d'émotion autour des barricades ébréchées. Je comparais ce que je voyais au grand mouvement révolutionnaire de 1789, et cela me semblait de l'ordre et du silence. Le changement des mœurs était visible. Au Pont-Neuf, la statue d'Henri IV tenait à la main, comme un guidon de la Ligue, un drapeau tricolore. Des hommes du peuple disaient en regardant le roi de bronze « Tu n'aurais pas fait cette bêtise-là, mon vieux ». Des groupes étaient rassemblés sur le quai de l'école. J'aperçois de loin un général accompagné de 2 aides-de-camp, également à cheval. Je m'avançais de ce côté. Comme je fendais la foule, mes yeux se portaient sur le général. Ceinture tricolore par-dessus son habit, chapeau de travers renversé en arrière, corne en avant. Il m'avise à son tour et s'écrie « Tiens, le vicomte !» Et moi, surpris, je reconnais le colonel ou capitaine Dubourg, mon compagnon de gants, lequel allait, pendant notre retour à Paris, prendre les villes ouvertes au nom de Louis XVIII. Il nous apportait, ainsi que je vous l'ai raconté, la moitié d'un mouton pour dîner dans un bouge à Arnouville. C'est cet officier que les journaux avaient représenté comme un austère soldat républicain à moustache grise, lequel n'avait pas voulu servir sous la tyrannie impériale, et qui était si pauvre qu'on avait été obligé de lui acheter à la friperie un uniforme râpé du temps de l'Arvelière Lépaud. Et moi de m'écrier « Hé, c'est vous ? Comment ?» Il me tend les bras, me serre la main sur le cou de flanquine. On fit cercle. « Mon cher, me dit à haute voix le chef militaire du gouvernement provisoire, en me montrant le Louvre, ils étaient là-dedans 1200. Nous leur en avons flanqué des pruneaux dans le derrière. Et de courir, et de courir !» Les aides-de-camp de M. Dubourg éclatent en gros rires, et la tourbe de rire à l'unisson, et le général de piquer sa mazette, qui caracolait comme une bête éreintée, suivi de 2 autres rossinantes, glissant sur le pavé et prêtes à tomber sur le nez entre les jambes de leurs cavaliers. Ainsi superbement emporté, m'abandonna le Diomède de l'hôtel de ville, brave d'ailleurs et spirituel. J'ai vu des hommes qui, prenant au sérieux toutes les scènes de 1830, rougissaient à ce récit parce qu'ils déjouaient un peu leur héroïque crédulité. J'étais moi-même honteux en voyant le côté comique des révolutions les plus graves, et de quelle manière on peut se moquer de la bonne foi du peuple. M. Louis Blanc, dans le premier volume de son excellente Histoire de 10 ans, publié après ce que je viens d'écrire ici, confirme mon récit. Un homme, dit-il, d'une taille moyenne, d'une figure énergique, traversait en uniforme de général et suivi par un grand nombre d'hommes armés le marché des Innocents. C'était de M. Évariste Dumoulin, rédacteur du Constitutionnel, que cet homme avait reçu son uniforme, pris chez un fripier, et les épaulettes qu'il portait lui avaient été données par l'acteur Perlet. Elles venaient du magasin de l'Opéra Comique. « Quel est ce général ? » demandait-on de toutes parts. Et quand ceux qui l'entouraient avaient répondu « C'est le général Dubourg !»« Vive le général Dubourg !» criait le peuple, devant qui ce nom n'avait jamais retenti. Un autre spectacle m'attendait à quelques pas de là. Une fosse était creusée devant la colonnade du Louvre. Un prêtre en surplis et en étole disait des prières au bord de cette fosse. On y déposait les morts. Je me découvris et fis le signe de la croix. La foule silencieuse regardait avec respect cette cérémonie qui n'eût rien été si la religion n'y avait comparu. Tant de souvenirs et de réflexions s'offraient à moi que je restais dans une complète immobilité. Tout à coup, je me sens pressé, un cri part « Vive le défenseur de la liberté de la presse !» Mes cheveux m'avaient fait reconnaître. Aussitôt, des jeunes gens me saisissent et me disent « Où allez-vous ? Nous allons vous porter !» Je ne savais que répondre, je remerciais, je me débattais, je suppliais de me laisser aller. L'heure de la réunion à la chambre des pères n'était pas encore arrivée. Les jeunes gens ne cessaient de crier « Où allez-vous ? Où allez-vous ? » Je répondis au hasard « Eh bien, au palais royal !» Aussitôt, j'y suis conduit au cri de « Vive la charte ! Vive la liberté de la presse ! Vive Chateaubriand !» Dans la cour des fontaines, M. Barba, le libraire, sortit de sa maison et vint m'embrasser. Nous arrivons au palais royal. On me bouscule dans un café sous la galerie de bois. Je mourais de chaud. Je réitère à main jointe ma demande en rémission de ma gloire. Point. Toute cette jeunesse refuse de me lâcher. Il y avait dans la foule un homme en veste à manches retroussées, à mains noires, à figure sinistre, aux yeux ardents, tel que j'en avais tant vu au commencement de la Révolution. Il essayait continuellement de s'approcher de moi, et les jeunes gens le repoussaient toujours. Je n'ai su ni son nom, ni ce qu'il me voulait. Il fallut me résoudre à dire enfin que j'allais à la chambre des pères. Nous quittâmes le café, les acclamations recommencèrent. Dans la cour du Louvre, diverses espèces de cris se firent entendre. On disait « Aux Tuileries, aux Tuileries !» Les autres « Vive le premier consul !» et semblaient vouloir me faire l'héritier de Bonaparte républicain. Hyacinthe, qui m'accompagnait, recevait sa part des poignées de main et des embrassades. Nous traversâmes le pont des Arts et nous prîmes la rue de Seine. On accourait sur notre passage, on se mettait aux fenêtres, je souffrais de tant d'honneur car on m'arrachait les bras. Un des jeunes gens qui me poussait par derrière passa tout à coup sa tête entre mes jambes et m'enleva sur ses épaules. Nouvelles acclamations. On criait aux spectateurs dans la rue et aux fenêtres « À bas les chapeaux, vive la charte !» Et moi je répliquais « Oui messieurs, vive la charte, mais vive le roi !» On ne répétait pas ce cri, mais il ne provoquait aucune colère. Et voilà comme la partie était perdue. Tout pouvait encore s'arranger, mais il ne fallait présenter au peuple que des hommes populaires. Dans les révolutions, un nom fait plus qu'une armée. Je suppliai tant mes jeunes amis qu'ils me mirent enfin à terre. Dans la rue de Seine, en face de mon libraire, M. Lenormand, un tapissier offrit un fauteuil pour me porter. Je le refusai et j'arrivai au milieu de mon triomphe dans la cour d'honneur du Luxembourg. Ma généreuse escorte me quitta alors après avoir poussé de nouveaux cris de « Vive la charte ! Vive Chateaubriand !» J'étais touché des sentiments de cette noble jeunesse. J'avais crié « Vive le roi !» au milieu d'elle, tout aussi en sûreté que si j'eusse été seul, enfermé dans ma maison. Elle connaissait mes opinions. Elle m'amenait elle-même à la chambre des pères, où elle savait que j'allais parler et rester fidèle à mon roi. Et pourtant c'était le 30 juillet, et nous venions de passer près de la fosse dans laquelle on ensevelissait les citoyens tués par les balles des soldats de Charles X. Le bruit que je laissais en dehors contrastait avec le silence qui régnait dans le vestibule du palais du Luxembourg. Ce silence augmenta dans la galerie sombre qui précède les salons de M. de Sémonville. Ma présence gêna les 25 ou 30 pères qui s'y trouvèrent rassemblés. J'empêchai les douces effusions de la peur, la tendre consternation à laquelle on se livrait. Ce fut là que je vis enfin M. de Mortemart. Je lui dis que d'après le désir du roi, j'étais prêt à m'entendre avec lui. Il me répondit, comme je l'ai déjà rapporté, qu'en revenant, il s'était écorché le talon. Il rentra dans le flot de l'assemblée. Il nous donna connaissance des ordonnances comme il les avait fait communiquer aux députés par M. de Sucy. M. de Breuil déclara qu'il venait de parcourir Paris, que nous étions sur un volcan, que les bourgeois ne pouvaient plus contenir leurs ouvriers, que si le nom de Charles X était seulement prononcé, on nous couperait la gorge à tous, et qu'on démolirait le Luxembourg comme on avait démoli la Bastille. « c'est vrai, » murmuraient d'une voix sourde les prudents en secouant la tête. M. de Caraman, qu'on avait fait duc, apparemment parce qu'il avait été valet de M. de Metternich, soutenait avec chaleur qu'on ne pouvait reconnaître les ordonnances. « Pourquoi donc ?» lui dis-je, monsieur. Cette froide question glaça sa verve. Arrivent les cinq députés commissaires. M. le général Sébastiani débute par sa phrase accoutumée « Messieurs, c'est une grosse affaire ». Ensuite, il fait l'éloge de la haute modération de M. le duc de Mortemart. Il parle des dangers de Paris, prononce quelques mots à la louange de Son Altesse Royale, Monseigneur le duc d'Orléans, et conclut à l'impossibilité de s'occuper des ordonnances. Moi et M. Haye de Neuville, nous fûmes les seuls d'un avis contraire. J'obtins la parole. M. le duc de Breuil nous a dit, messieurs, qu'il s'est promené dans les rues et qu'il a vu partout des dispositions hostiles. Je viens aussi de parcourir Paris. 3000 jeunes gens m'ont rapporté dans la cour de ce palais. Vous avez pu entendre leurs cris. Ont-ils soif de votre sang, ceux qui ont ainsi salué l'un de vos collègues? Ils ont crié « Vive la charte !» J'ai répondu « Vive le roi !» Ils n'ont témoigné aucune colère et sont venus me déposer sains et saufs au milieu de vous. Sont-ce là des symptômes si menaçants de l'opinion publique? Je soutiens, moi, que rien n'est perdu, que nous pouvons accepter les ordonnances. La question n'est pas de considérer s'il y a péril ou non, mais de garder les serments que nous avons prêtés à ce roi dont nous tenons nos dignités, et plusieurs d'entre nous leur fortune. Sa Majesté, en retirant les ordonnances et en changeant son ministère, a fait tout ce qu'elle a dû. Faisons à notre tour ce que nous devons. Comment ? Dans tout le cours de notre vie, il se présente un seul jour où nous sommes obligés de descendre sur le champ de bataille, et nous n'accepterions pas le combat ? Donnons à la France l'exemple de l'honneur et de la loyauté. Empêchons-la de tomber dans des combinaisons anarchiques où sa paix, ses intérêts réels et ses libertés iraient se perdre. Le péril s'évanouit quand on ose le regarder. On ne me répondit point. On se hâta de lever la séance. Il y avait une impatience de parjure dans cette assemblée que poussait une peur intrépide. Chacun voulait sauver sa guenille de vie, comme si le temps n'allait pas dès demain nous arracher nos vieilles peaux, dont un juif bien avisé n'aurait pas donné une obole. Fin de la section 46.